الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فهي لقاءات الخير تتجدد أيها الإخوة والأخوات ويزيد معها إن شاء الله إيماننا وتزيد بها أخوتنا ولا زلنا متناصحين في الله ولله فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الحق فعودة إلى كتاب الشيخ النجمي رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. Donc, voici les rencontres, nos rencontres qui se renouvellent, Inch'Allah, nos rencontres du bien qui se nous révèlent, Inch'Allah, et avec lesquelles on va augmenter notre foi et que notre fraternité augmente aussi. Et nous sommes constamment dans le conseil, dans le fait de se conseiller mutuellement la vérité pour Allah et en Allah. Et nous demandons à Allah Azza wa Jal qu'il nous confirme sur cette voie, sur la voie de la vérité. Retour au livre de Cheikh Najmi Hafidhahullah Ta'ala, la source délicieuse et abondante, et c'est notre 36e cours, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala le comble de sa sainte miséricorde et qu'il lui donne le Firdaus al-A'la. Nous avons commencé ce livre, il était en vie, il était gravement malade, et là, il est mort, rahmatullahi alayhi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne le Firdaus al-A'la. Yaqul waqafna inda qawlihi rahimahullah ta'ala. وإن ذولتنا ولله الحمد تقيم الصلاة وتقيم الحدود وتحكم شرع الله وتحكم به في محاكمها وتشجع على العلم وتعين عليه وتعين على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد رصدت له موازنة وللدعوة وللدعاة فهي لا زالت والحمد لله بخير. فنصمغتي une lettre avec laquelle elle a répondu, à la moitié d'une lettre avec laquelle elle a répondu à un des jeunes qui lui demandait des choses sur les Qutbi, sur les Sururi et sur les actes qu'ils font en secret. Et nous sommes arrêtés à ce chapitre où Cheikh disait « Et notre pays, et Allah, toute la louange, accomplit la prière, accomplit les sentences, juge avec les lois d'Allah Azza wa Jal, et dans les tribunaux, la loi d'Allah Azza wa Jal est accomplie. Il encourage la science et l'aide à l'apprentissage et à la science. Et il aide sur le fait, il encourage aussi le fait d'ordonner le bien, de blâmer le mal et de l'interdire. Et pour ceci, il a prévu un budget pour da'wa et pour la da'wa et pour les du'at en même temps. Et il dit notre pays continue à être dans le bien, Inch'Allah. ويقول حفظه رحمه الله تعالى فقل لمن ينعل الحكام السعوديين في هذا البلد لينظر في حكام المعمورة أجمع هل يجد مثل الحكام السعوديين بل إن الفرق كبير والبون شاسع فليتق الله هؤلاء وليعودوا إلى رشدهم قبل أن يعاقبهم الله ونحن لا نقول إن الحكام في هذه البلد معصومون من الخطأ أو أنهم ملائكة لا يخطئون، فكل بشر يخطئ ولا بد، ولكن ذلك لا يوجب سبا ولا لعنا ولا خروجا عن الطاعة ما داموا ملتزمين بالشرع في أغلب أمورهم على أنفسهم وعلى من تحت أيديهم. Et il continue de dire à ce jeune à qui il répond dans la lettre, il lui dit, dit à ceux qui insultent les gouverneurs saoudiens dans ce pays, qu'il regarde à travers le monde entier, est-ce qu'il va trouver des gouverneurs comme les gouverneurs de l'Arabie Saoudite. Il y a une grande différence entre les gouverneurs de l'Arabie Saoudite et les autres pays de l'islam. Hein? Et la différence est énorme entre les deux. Et que ceux-là doivent revenir à leur raison avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne les châtie. Et il dit, rahimahullah ta'ala, et nous on ne dit pas que les gouverneurs des pays de l'Arabie Saoudite sont épargnés de l'erreur. Ce ne sont pas des anges. Il n'y a aucun doute qu'ils font des erreurs. Ce sont des êtres humains. Il n'y a aucun doute que l'être humain fait des erreurs. Mais cela n'implique pas que s'ils font une erreur, qu'on doit les insulter, qu'on doit les maudire, se révolter contre eux, ne plus leur obéir tant qu'ils. Ils se cramponnent à la législation d'Allah Azza wa Jal dans toutes leurs situations, dans beaucoup de leurs situations, en eux-mêmes, et aussi ils appliquent la loi d'Allah Azza wa Jal pour leur peuple et pour ceux qu'ils gouvernent. Khamisan yaqulu al-Sheikh rahimahullah ta'ala, amma fiqhu al-waqi' alladhi ma zala ha'ula'i yushaqshiquna bihi wa yutantinun. فنحن نقول لهؤلاء إن كنتم تريدون بفقه الواقع ما تترتب عليه الأحكام فنحن الأحكام الشرعية وتتبين به الفتوى مما يكون مناطا للحكم أو سببا له أو وسيلة إليه فإن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وابن عثيمين رحمة الله عليهم وابن فوزان حفظه الله والغديان واللحيدان والأطرم وعبد العزيز آل الشيخ وغيرهم من القضاة أو المفتين لم يصدروا الحكم أو الفتوى إلا بعد أن يعرفوا الواقع الذي يحيط بها أو يؤثر بها. Il dit, rahimahullah ta'ala, cinquièmement, dans la réponse, dans cette lettre avec laquelle il répond à ce jeune, il dit cinquièmement, quant à fiqh al-waqi', c'est-à-dire connaître l'actualité, comprendre l'actualité, autour de laquelle parlent ces gens-là, c'est-à-dire les Qutbi, les Sururi, et ce terme qu'ils emploient, hein, il dit, nous disons à ceux-là, qu'est-ce que vous voulez par ce terme, par fiqh al-waqi'? Est-ce que vous voulez les choses par lesquelles, hein, sur lesquelles, duquel va décoller une sentence de la législation, et par lesquelles, et vous voulez par ça les points avec lesquels on va s'éclairer pour une fatwa, ou les points qui vont être le pôle duquel va émaner le jugement, et va décoller le jugement, ou la cause de ce jugement, ou le moyen qui va amener à ce jugement, sachez que son éminence, Abdelaziz ibn Baz, rahimahullah, et son éminence, ibn Uthaymin, et il Fawzan, hafidhahullah ta'ala, ainsi que le Ghudayyan, ou le Luhaydan, ou l'Atram, ou Abdelaziz al-Sheikh, et d'autres, parmi les juges, et parmi le Muftin, ceux qui donnent la fatwa, ils n'ont jamais émis de sentence ou de verdict avant de connaître l'actualité et avant de connaître tous les paramètres qui entourent la situation. Et avant de connaître tous les détails de la situation, et avant de connaître la réalité d'une situation. وإن كنتم ويقول لهم الشيخ وإن كنتم تريدون بفقه الواقع الاطلاع على أسرار الدول وأخبار أهل العصر مما يكتب في الجرائد والمجلات أو تتناقله وسائل الإعلام أو يستنتجه المحللون السياسيون أو غير ذلك فإن لأهل العلم شغلا بأعمالهم التي نيطت بهم أو وأوكلت إليهم من الفتوى والتدريس والدعوة إلى الله عز وجل ما لا يتسع معه لشيء آخر مع أنهم لهم قدرة محدودة وهذا من خصائص وزارة الدفاع في كل بلد أي التنبؤ لمكائد الأعداء ومخططاتهم والإعداد لكل أمر بما يناسبه. Il leur dit, حفظه الله تعالى, et si vous voulez avec fiqh al-waqi', le fait de connaître l'actualité, c'est de connaître les secrets des pays et les nouvelles des pays et les nouvelles des gens du monde contemporain, parmi ce qui s'écrit dans les journaux, dans les magazines, et ce qui est transmis par les moyens, par les médias, audio ou autres, ou ce qu'il résulte d'une étude d'un observateur politique ou d'une critique politique ou autre. Les hommes de science ont autre chose à faire que s'occuper de ce genre de choses. Ils ont d'autres préoccupations et ils ont d'autres fonctions. Ils donnent la fatwa, ils enseignent, ils s'occupent de la da'wa ilallah azza wa jal, donc ils n'ont pas le temps à ces futilités et à s'occuper de ce genre de choses. Et en plus de ça, ils ont des capacités et des forces limitées. Ce sont des humains. Et ceci, le fait de connaître ce que trament les pays ennemis ou autres, ceci est la particularité du ministère de la défense dans chaque pays. Donc ce ministère de la défense doit s'occuper, doit être éveillé. Il doit être éveillé à connaître les manigances et les ruses et les stratagèmes des ennemis d'Allah Azza wa Jal, et de se préparer à toute situation avec les moyens qui conviennent à cette situation. وأخيرا يقول الشيخ فإني أنصحك بأن تبتعد عنهم وتهرب منهم بعد أن تقرأ عليهم هذه الإجابة المختصرة فإن أطاعوك ورجعوك وإلا فابتعد عنهم وعن مجالستهم والسلام. وأخيرا donc il dit حفظه الله تعالى et à la fin je te conseille de t'éloigner d'eux et de sauver d'eux. Lis-leur cette réponse que je t'ai écrite. Cette réponse très courte, s'ils t'obéissent, ils reviennent. Sinon, ils reviennent à la voie de la vérité. Sinon, éloigne-toi d'eux et de leurs assises. Tout simplement. Nous aussi, on dit à nos frères et à nos sœurs qui n'arrêtent pas d'errer d'un salon à un autre, d'arrêter d'errer dans les salons d'Yel Tkfiriyin, d'Yel Ahbash, d'Yel Asha'ira, d'Yel etc. Vous attrapez que des ambiguïtés et vous remplissez votre esprit de toiles d'araignée. Vous devez craindre Allah Azza wa Jal pour vous-même et vous éloigner de ce genre de salon parce que ils ne font que vous remplir d'ambiguïtés et vous donner des doutes sur la voie de la réalité, sur la voie authentique qui est la voie de ne plus erreur d'Allah alayhim. Craignez Allah et préservez les droits d'Allah Azza wa Jal pour vous-même avant tout. وأخيرا يقول الشيخ وأخيرا فمن هذا يتبين أن السرور وليدة الإخوانية وتحدو حذوها في سب الحكام ولعنهم وإن ادعى مؤسسها أنه على المنهج السلفي إلا أن واقع السرور الذي علمناه خلاف ذلك ولست أقطع بأن هذه الجماعة تابعة له إلا أن الاسم يدل على المسمى وكونه يقول أنه لم يسم جماعته بهذا الاسم فلعله سماها بهذا الاسم بعض أثباعه. Et Cheikh Najmi de dire, et enfin, partant de là, il apparaît clairement que la Sururia était l'enfant des Ikhwan et qu'il est sorti des girons de l'Ikhwan et qu'il suit la même voie que l'Ikhwan dans le fait d'insulter les gouverneurs, de les maudire, même si le fondateur Surur prétend qu'il est sur la voie des puiseurs d'Allah Ali. Mais la réalité de la Sururia, comme nous le savons des Cheikhs, il est le contraire de tout ça. Et il dit Je ne dis pas que Sid Jama'a appartient à Soror, mais son nom le prouve. Et quand il prétend qu'il n'a pas donné un nom à son groupe, peut-être que ce nom a été donné par l'un de ses disciples ou là par l'un des théoriciens du groupe. وفي الحاشية يقول الشيخ علما بأن كل قوم يسمون باسم قائدهم ومتبوعهم غالبا كالأشعرية والماتريدية والجهمية والحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وما أشبه ذلك. On bas de la page, Cheikh de nous dire, en sachant que les groupes, souvent, ils se donnent le nom de leur commandant et de leur fondateur et celui qu'ils suivent, en général, comme l'Ash'ariya, par appartenance à Abu al-Hassan al-Ash'ari, rahimahullah, qui ne sont de la voie qu'ont appris l'Ash'ariya maintenant. Et aussi le Maturidiya, par appartenance à Abu Mansour al-Maturidi, et aussi les Jahmites, par appartenance à Al-Jahm ibn Safwan, et les Hanafiya qui se veulent des adeptes de l'imam Abu Hanifa rahimahullah, les Malikiya qui se veulent des adeptes de l'imam Malik, les Shafi'iya qui se veulent des adeptes de l'imam Shafi'i rahimahullah, les Hanabiya qui se veulent des adeptes de l'imam Ahmed ibn Hanbal rahmatullah alayhim, et ainsi de suite. Wa yaqulu Sheikh hafidhahullah ta'ala, وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي ولا ينزعن أيضا من طاعة فما كان سب الحكام المسلمين ولعنهم من منهج السلف الصالح ولا من طريقهم ولا يمت إلى منهجهم بصلة وإنما هو منهج الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة. الشيخ داتيغي لانتونسيون دي جون اي دو نو مام en citant cette parole du prophète sur le fait qu'il ne fait pas partie de la voie du puzzel d'insulter les gouverneurs. Et il nous rappelle ce hadith où le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit à celui qui il est sous la tutelle d'un gouverneur qu'il voit que son gouverneur tombe dans un péché, qu'il déteste ce que fait ce gouverneur, mais qu'il ne désobéisse pas ce gouverneur. Et il dit, le fait d'insulter les gouverneurs musulmans, le fait d'insulter les gouverneurs musulmans, de les maudire, ne fait pas partie de la voie des puiseurs d'Allah alayhim. Et il n'a aucun rapport avec la voie des puiseurs d'Allah alayhim. Mais ça, c'est la voie des khawarij, ceux qui rendent mécréants avec les péchés capitaux. Wa yaqulu hafidhahullah ta'ala, amma al-qutbiyoun, fahum qawmun darasu kutub Sayyid Qutb, wa taba'uhu fi kulli ma qalahu wa a'taqada, bal wa azzamuhu kulli al-ta'zim, مما جعلهم يتخذون كل ما قاله في كتبه حقا وصوابا وإن خالف الأدلة وباين منهج السلف. Il dit حفظه الله تعالى كنت قطبت. Ce sont des gens qui se sont penchés sur les livres de Sayyid Qutb et qui l'ont suivi dans tout ce qu'il a dit. Ils ont pris pour monnaie comptante et irréfutable ce qu'il a dit et ils ont vénéré cet homme. Une vénération d'une grande vénération, à tel point que cette vénération les a amenés à prendre comme véridique tout ce qu'il a dit dans ses livres. Que ce qu'il aurait dit dans ses livres, c'est faux, c'est vrai, ils l'ont pris comme véridique, même si ce qu'il a dit dans ses livres, il est en divergence avec les preuves, et il est en divergence avec la voix du puiseur d'Allah alayhim. وَيَتَّضِحُ ذَلِكَ مِنَ التَّوْرَةِ الْكَلَامِيَةِ ويتضح ذلك من الثورة الكلامية والإشاعات الإعلامية التي أشاعوا هذه الشيخ ربيع حفظه الله تعالى حين رد على سيد قطب في بعض الأخطاء الاعتقادية الفظيعة وجعلوه متجنيا عليه وظالما له ولم يحملهم الإنصاف أن يعودوا إلى تلك الأماكن والأرقام التي أشار إليها أشار ربيع في كتابه إليها كالنيل من نبي الله كالنيل من نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام والتحامل على عثمان رضي الله عنه وإسقاط خلافته من بين خلافة الخلفاء الراشدين وجعلها فجوة بينها ونيله من باقي الصحابة وجهله بتوحيد الألوهية وسلوكه مذهب الأشاعرة في تأويل الصفات وتمييعه لكثير من المسائل العقدية وغير ذلك فالله المستعان. انتهى كلام الشيخ يحيى النجمي رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. كنت il dit حفظه الله تعالى et tout ceci va vous apparaître clair de cette propagande et de cette révolution au niveau de la propagande et au niveau des insultes qu'ils ont aimées et qu'ils ont propagé contre Cheikh, contre Dr. Rabi Hafidhahullah Ta'ala. Quand il a répliqué à Sayyid Qutb sur certaines de ses erreurs au niveau du dogme, qui sont des erreurs énormes, ils ont fait que Cheikh Rabi' a été injuste, a été un criminel vis-à-vis de Sayyid Qutb. Et l'équité et la justice ne les a pas poussés à aller lire les passages qu'a cité Cheikh Rabi' Hafidhahullah Ta'ala dans son livre. Il fait partie de ces passages et des erreurs dans lesquelles est tombé Sayyid Qutb, c'est le fait qu'il a critiqué et qu'il a médisé et qu'il a des choses qu'il ne fallait pas dire sur le prophète d'Allah, Moussa alayhi salatu salam, et sur les attaques qu'il a émis contre Uthman radiyallahu ta'ala anhu arda. Il a fait que la khilafa de Uthman radiyallahu ta'ala anhu arda est une faille entre la khilafa d'Abu Bakr Siddiq et de Omar et de Ali. Et aussi le fait, le dénigrement qu'il a émis contre certains compagnons du prophète alayhi salatu salam, et l'ignorance de Sayyid Qutb, du monothéisme, de l'adoration, et le fait que Sayyid Qutb a pris la voie des Asha'ira pour donner d'autres significations aux attributs d'Allah Azza wa Jal, et le fait qu'il a négligé et qu'il n'a pas donné l'importance à beaucoup de sujets au niveau de l'Aqida et autres. Fallahu al-Musta'an. Et ici s'arrêtent les paroles d'Yel Sheikh al-Najmi Hafidhahullah Ta'ala. Fandura khal Islam. عوضا يقبل هؤلاء كلام شيخ ربيع انقلبوا عليه وأشاعوا الإشاعات ونبذوه بالفتان. الفتان من يبين الأخطاء ويرد عليها. وهذا يذكرنا بموقف الأشاعر من ابن تيمية رحمه الله تعالى لما بينا أخطاءهم وما هم عليه من منهج المعتزلة انقلبوا عليه وكفروه وقالوا ابن تيمية يقول بقدم العالم وأنه يقول بأن الجنة تفنى والنار تفنى ويقول بكذا وكذا كذب وافتراء على شيخ الإسلام ابن تيمية افتراء على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حتى الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم يسلم من الكذب والافتراءات لما بين التوحيد انقلبت عليه الصوفية وما سلم ابن باز ولا العتيميين ولا الشيخ مقبل ولا الشيخ الألباني رحمة الله عليهم ولا غيرهم. Donc, et au lieu que Sayyid Qutb accepte les paroles d'Yel Cheikh Rabi Hafidhahullah Ta'ala, ils se sont révoltés contre Cheikh Rabi. Ils ont propagé des choses, ils l'ont traité de fatan. Est-ce qu'il est fatan celui qui monte les erreurs et qui attire l'attention de la communauté sur les erreurs de certains écrivains pour que la communauté ne tombe pas dans ces erreurs? Et ceci nous rappelle la situation d'Al-Asha'ira vis-à-vis d'Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh quand il a montré les erreurs, quand il leur a montré leurs erreurs et comme quoi ils sont sur la voie d'Al-Mu'tazila. Ils se sont retournés contre lui et ils l'ont rendu mécréant et ils ont dit Ibn Taymiyyah dit que le monde est ancien et que le paradis et l'enfer se terminent. Ils ont une fin. Et ainsi de suite, ils ont émis des mensonges contre Cheikh l'Islam de Taymiyyah, rahmatullah alayh. Et tout ceci, c'est un mensonge sur Cheikh l'Islam de Taymiyyah, rahmatullah alayh. Même Cheikh Mohammed ibn Abdelwahab, rahmatullah alayh, n'a pas été épargné du mensonge et du colportage et des calamités quand il a montré le monothéisme de l'adoration comment il doit être. Ben, le monde soufi, à travers le monde entier, se sont retournés contre lui. Ils ont dit qu'ils n'aimaient pas le prophète alayhi salatu salam. Ils ont dit qu'ils n'aimaient pas l'Auliya ou Salihin et autres. Ils n'ont pas laissé une critique qu'ils n'ont pas aimée contre Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdelwahab rahmatullah alayhi. Même Ibn Baz rahmatullah alayhi n'a pas été épargné. Regardez dans regardez ce que disent les Tkfilines sur Ibn Baz. Regardez ce que disent ce qu'ils disent sur Cheikh Al-Utaymin, Cheikh Al-Albani, et sur Cheikh Mokbil, et sur Cheikh Rabi' et autres. وهكذا طريقة أهل البدع والأهواء في كل زمان ومكان ينقلبون على من يفضحهم ويبين لهم أما أهل الحق والإنصاف فإنهم يقبلون فالقطبيون المتعصبون لسيد قطب انقلبوا على الشيخ ربيع لما بين لهم ما عنده من طوام ولما فضح رؤوسهم وكذلك الحدادية يحاربون الشيخ ربيع أشد الحرب لأن الشيخ ربيع أسقط شيوخهم ورد على أباطلهم. فنحن الآن نرى شيئا فظيعا، يقول عليه الصلاة والسلام في آية المنافق: وإذا خاصم فجر، يعني يتجاوز الحد، فالحدادية اليوم عندهم فجور في الخصومة. ما سلم منهم أحد، لا الشيخ الألباني ولا الشيخ ربيع ولا الشيخ مقبل ولا حتى الشيخ العتيميين ولا حتى الشيخ بن باز ولا حتى الفوزان حفظهم الله تعالى ورحم الله الأموات، وهذا ثابت عليهم، وهم يزعمون أنهم ينصرون السنة وأنهم على منهج السلف، وعندهم سفة وفروء وفجور وظلم ما تراه عند أحد. وإن شاء الله سنقف على طوام الحدادية وما هي الحدادية حتى يتبين لنا الأمر جميعا. ونفخيون الله عز وجل سي سا سي لا فوا دي جون دو لونيفاسيون دي سو كي سويف لور باسيون اون تو ليو اون تو تون. Ils se retournent toujours contre ceux qui leur font le conseil et contre ceux qui montrent leurs erreurs et qui dévoilent leurs erreurs. Quant aux gens de la vérité et de la justice, ils acceptent les conseils, ils acceptent les erreurs quand on leur présente leurs erreurs. Les Qutbi, qui sont sectaires à Sayyid Qutb, se sont retournés contre Cheikh Rabi'a, quand il leur a montré les catastrophes et le déluge de catastrophes qu'il y a dans les livres de Sayyid Qutb. Et quand il a montré sur leur réalité, leur leader, il en est de même de l'Haddadiya. L'Haddadiya combat Cheikh Rabi' d'une grande guerre, car Cheikh Rabi' a fait tomber leurs chouyours et leurs têtes, et il a réfuté leurs faux. Et aujourd'hui, nous voyons quelque chose d'énorme, qui ne doit pas être. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'un des signes de l'hypocrite, c'est que quand il est en litige, et quand il rentre dans une dispute, il dépasse ses limites. C'est l'une des caractéristiques de l'hypocrite. C'est quand il est en litige avec quelqu'un, ou là quand il se dispute avec quelqu'un, ben il dépasse ses limites. Et il dit des choses qu'il ne devrait pas dire. Et l'Haddadiya aujourd'hui, ils sont à ce point-là, ils ont dépassé leurs limites dans leur façon de faire et dans les critiques qu'ils émettent contre les hommes de science, notamment contre Cheikh Rabi'. Et il n'est pas épargné d'eux, pas seulement Cheikh Rabi', Cheikh Al-Albani, Cheikh Mokbel, Cheikh Al-Uthaymin, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Fawzan et d'autres. Il se suit et confirmé sur eux. Et ils prétendent qu'ils font triompher la sunna et qu'ils sont sur la voie du puiseur d'Allah Alim. Ils sont insensés, ils ont des situations insensées. Ils dépassent leurs limites. Ils sont injustes. Ils sont d'une injustice que tu ne vois pas chez d'autres. Nous allons, Inch'Allah, réserver tout un chapitre à l'Haddadiya et qui sont et qui est le fondateur et c'est quoi leur caractéristique, Inch'Allah. Pour qu'on soit, qu'on ait une clarté sur cette voie, Inch'Allah. Fa, l'an, n'tahayna, mimma yakhussu l'ikhwan l'muslimin, wa mimma n'taqadahu shaykh النجمي رحمه الله تعالى الإخوان المسلمين. وقبل أن نبدأ بجماعة التبليغ نسمع من البعض يقولون أنتم لا تعرفون إلا التحذير، فأريد أن أبين لكم إخوة الإسلام أن التحذير والرد على أهل البدع هو أصل من أصول المنهج السلفي من كلام أهل العلم. Nous avons terminé maintenant les critiques كايمي الشيخ النجمي رحمة الله عليه sur l'Ikhwan al-Muflisoun et sur les leaders de l'Ikhwan al-Muflisoun. Et avant d'entamer et de continuer avec les critiques qu'il émet contre Jama'at Tabligh et contre les Soufis en général et contre Jama'at Tabligh en particulier, je voudrais attirer votre attention. Beaucoup disent que vous, les salafis, que vous ne connaissez pas que les mises en garde. Vous ne connaissez pas que les mises en garde. Et nous leur disons tout simplement que le fait de répliquer aux gens de l'innovation et de mettre en garde contre les gens de l'innovation, ceci fait partie des fondements de la voie d'El Salaf Ardouallah Alayhim. Et nous allons vous le montrer par les paroles des hommes de science. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse profiter de la science des morts, qu'il nous fasse profiter des vivants aussi. فالرد على المخالف والتحديد من أهل البدع هذا أصل عظيم من أصول أهل السنة أصحاب الحديث والأثر الثابتين على الأمر الأول. وما هذا الأصل إلا وسيلة لحفظ هذا الدين من التحريف والتبديل تحقيقا لوعد الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فصبوار كل ميزون غارد et le fait de refuter les erreurs des gens de l'innovation et de ceux qui suivent leur passion, ceci est un fondement énorme chez les gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna. C'est un fondement chez les gens du hadith et ceux qui suivent les preuves et ceux qui sont sur la première voie, c'est-à-dire la voie de Muhammad alayhi salam et de ceux qui les suivent à la perfection. Et ce fondement est un moyen pour préserver la religion d'être falsifiée ou qu'il y ait des changements qui s'immiscent dans la religion pour que la promesse d'Allah Azza wa Jal s'accomplisse. Cette promesse qui est dans ce verset, dans Surat Al-Hijr: nous avons descendu la révélation et nous allons la protéger. Et fait partie des moyens qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait exister pour cette communauté, pour la protection de cette religion, notamment la réplique aux gens et la mise en garde contre les gens de l'innovation et de ceux qui suivent leur passion. فليس الغرض من الرد على أهل البدع والتحذير منهم هو التشفي أو الانتقام الشخصي تصفية لحسابات شخصية ليس لها علاقة بالدين كما يدندن بها طائفة من الحزبيين لتلبيس الأمر على الناشئة ولحماية أنفسهم من سهام العلماء الربانيين التي تجرحهم وتعريهم أمام العامة لتظهر حقيقة أمرهم التي يخفونها تحت ستار من العواطف والحماسات والكلام المزخرف. Donc, il n'est pas voulu avec les répliques et les mises en garde, le fait de se moquer de quelqu'un ou de le critiquer pour la critique, ni de le calomnier, ni de le traîner dans la boue, ni une vengeance personnelle pour régler les comptes entre les personnes. Non, loin de là. Loin de là, il n'y a aucun intérêt personnel chez ceux qui mettent en garde et qui rejettent les erreurs des innovateurs et qui mettent en garde contre les innovateurs. Parce que les Hizbi et les adeptes de parti, pour déguiser les situations et pour détourner les personnes, et surtout les novices et les débutants, et pour se protéger des flèches qui sont orientés vers eux par les hommes de science dignes du nom, qui ces flèches vont les dévoiler et vont les montrer sur leur réalité devant le commun du musulman, et sur le voile des sentiments et des liens sentiments et sur les belles paroles, etc., les paroles tambili, ils déguisent les situations sur les gens. Ils disent: oui, ceci, ce que dit tel cheikh sur tel, ce n'est qu'un règlement de compte. Ça ne doit pas être ainsi, et ceci, cela, regardez ce cheikh, comment il est, etc. Tout ceci, c'est du pipeau, et ce sont des paroles en l'air, tout simplement. Les hommes de science, quand ils critiquent quelqu'un, ils le font après l'avoir conseillé. Combien d'années cheikh Rabih a patienté pour Adnan Al-Aour? Combien d'années il a patienté pour Abul Hassan? Combien d'années de conseils il a fait à Cheikh Al-Mghraoui et autres, et à Abdel Khalq, et d'autres que vous ne connaissez pas? Et d'autres, actuellement, il est en train de faire des conseils à d'autres personnes depuis plusieurs années. Le fait de faire, d'y mettre une critique, ce n'est pas un règlement de compte, loin de là. Al-Sunnah ليس عندهم عداوة مع أحد وإنما يردون الأخطاء ويحذرون من الأخطاء وهذا في نصح لمن وقع فيها حتى لا يتبعه الناس عليها وفيه شفقة عليه فالسلفيون أعلم الناس بالحق وأرحمهم بالخلق فالسلفيون لا عداوة لهم شخصية مع سيد قطب ولا مع البنا ولا مع القرضاوي ولا مع عائد القرني ولا مع العودة ولا مع سلمان ولا مع الغزالي ولا مع المغراوي ولا مع عدنان وغير هؤلاء ولا مع أبو الحسن وغيرهم وغير هؤلاء الذين انحرفوا عن المنهج الصحيح. Donc les gens de la Sunna et ceux qui sont unanimes sur la Sunna ont aucune guerre et aucune, ils sont pas ennemis de telle ou de telle personne. Mais quand ils répliquent, quand ils rejettent les erreurs, c'est pour avertir contre les erreurs et pour que les gens ne tombent pas des erreurs, sur ces erreurs et pour que les gens ne suivent pas celui qui a écrit une erreur, qu'ils ne suivent pas dans cette erreur. En réalité, c'est par pitié à cette personne. Ils veulent le bien de cette personne quand ils lui rejettent son erreur. Et quand ils montrent aux gens son erreur pour que les gens ne le suivent pas. Donc les salafis et les hommes de science salafis sont les gens qui connaissent au mieux la vérité. Et ce sont les gens qui sont d'une grande clémence pour les créatures d'Allah Azza wa Jal. Les salafis n'ont pas de problème personnel avec Sayyid Qutb, ni avec le Qardawi, ni avec Aïd al-Qarni, ni avec l'Aouda, ni avec Salman, ni avec le Ghazali, ni avec le Maghraoui, ni avec Adnan Al-Aur, ni avec Abu al-Hassan, ni avec Abdelrahman Abdelkhalq, ni avec Hada Oussama al-Qawsi, ni avec qui que ce soit parmi tous ceux qui ont dévié de la voie du Puisayr, mais ils avertissent les gens et les novices ainsi que les commandes du musulman sur les erreurs de ces gens-là pour que les gens ne les suivent pas. En réalité, c'est rendre service à ces gens-là pour ne pas alourdir leur fardeau, pour qu'ils n'aient pas beaucoup de disciples derrière eux. Fa'ikhwat al-Islam, la ta'tu'uqulakum liman la yafham منهج السلف. فنحن الآن في عالم أكبر خصوصياته الشبهات وما أكثرها والتعاطفات الغير المقيدة بالشرع. فهنا الله عز وجل ne donne pas vos raisons et vos cœurs à ceux qui ne le méritent pas. On est dans un siècle, on vit un siècle et une époque qui est une époque, sa particularité, ce sont les ambiguïtés. Il faut faire très attention. La particularité de notre siècle, c'est des ambiguïtés. Donc, il ne faut pas donner nos sentiments. Il faut que nos sentiments soient conditionnés avec la législation. Il ne faut pas tomber dans l'excès de l'amour d'une personne. Et quand les hommes de science avertissent contre cette personne, on se révolte contre la parole des hommes de science et on n'accepte pas la vérité. Quant à l'islam, il faut faire très attention. Nos sentiments doivent être conditionnés avec la législation d'Allah Azza wa Jal. Et comme nous l'a conseillé Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam, quand on aime quelqu'un, on l'aime d'une certaine façon parce qu'il se peut qu'un jour on va être amené à le détester. Et quand on déteste quelqu'un, on ne va pas, on n'est plus dans l'exagération parce qu'il se peut qu'un jour on reviendra vers cette personne et avoir des affinités à aimer cette personne, comme l'a dit Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a reçu ce conseil de Jibril alayhi sallam. Frère en Allah azza wa jal, faites attention à ce qui se trame autour de vous. Et quand vous avez des ambiguïtés, revenez vers qui de droit? Revenez vers les hommes de science dignes du nom. Vous ne parlez pas français, vous revenez vers Cheikh Abdelmalik Ramadani. Allah subhanahu wa ta'ala a fait que à côté de vous, il y a quelqu'un qui maîtrise l'arabe. Bon, vous allez voir. Vous posez votre question par quelqu'un qui parle arabe directement à Cheikh Abdelmohsen Abad, ou à Cheikh Ubaid, ou à Cheikh Rabi', ou autre parmi les grands machayikh de cette communauté. Et ne vous faites pas avoir. Et ne vous comptez pas du qu'on dira-t-on de votre collègue. Et ils ont dit sur les forums, ils ont dit sur tel salon, etc. Faites très attention. Parce que des fois, on entend des choses sur les salons. A'oudou billah, la parole qui a été dite par l'homme de science après des formes et a sorti de son sens et n'a plus de sens. Faites très attention. Dans beaucoup de salons, il n'y a que de la perte du temps. Et on commence à détailler la parole d'El Cheikh et on commence à ramener sa raison et à ramener son point de vue et à divier et à donner un autre sens à la question ou à la réplique qu'a fait l'homme de science. Tabarakallah, on fait qu'on fait attention à ce point-là. فإخوة الإسلام ما زالت الردود الحاسمة على أهل الأهواء والبدع تتوالى تطرا منذ عهد النبي إلى وقتنا هذا وحتى تقوم الساعة إن شاء الله. Donc, chers frères en Allah Azza wa Jal, les sœurs en Allah Azza wa Jal, que les répliques tombent comme la pluie, ils tombent d'une force encore de nos jours sur les gens de l'innovation et sur les gens qui suivent leur passion. Et ceci depuis le prophète alayhi salatu wassalam jusqu'à notre époque et jusqu'à la fin des temps, inshallah. فلم يكن تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الخوارج وذكر صفاتهم إلا تأصيلا لهذا الأصل السلفي الجليل. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم يرد على ذي الخويصرة ويحذر منه ومن ذريته. أليس هذا ردا على أهل البدع وتحذيرا منهم؟ أم ما الذي يفهم من هذا الصنيع النبوي الصادر عن الوحي الإلهي؟ Donc, qu'est-ce qu'il en est de l'avertissement du prophète عليه الصلاة والسلام contre le Khawarij? Quand il nous a décrit leurs caractéristiques. Ceci, cet avertissement du prophète عليه الصلاة والسلام, c'est la fondation pour cette voie salafie qui est le fait de refuter les erreurs. Qui est le fait de refuter les erreurs et de répliquer à celui qui est en divergence avec la voix du puiseur d'Allah alayhim. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a répliqué à Dil Khouaïsira et il a averti contre Dil Khouaïsira et contre ceux qui sont sur la même voie que lui et contre ceux qui vont être sur la même voie que lui. Est-ce que cette réplique du prophète alayhi salatu wassalam n'est pas une réplique aux gens de l'innovation et un avertissement contre les gens de l'innovation? Qu'est-ce qu'on comprend de cette façon, de cet acte du prophète alayhi salatu wassalam, qui est un acte qui émane de la révélation? Fahananaika ayyuha al-akhu al-karim. Fahananaika ayyuha al-hizbi, ayyuha al-qutbi, ayyuha al-ikhwani, ayyuha al-tablighi, ayyuha al-adnani, ayyuha al-sururi, ayyuha al-ayasini, ou ghayruh. لا تدلس على العامة وتنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم منهجك الفاسد في تمييع الأمور وانتحال الرقة والرفق مع المخالفين والمبتدعين ذوي الأهواء والفتن بإيجاب ذكر محاسنهم إذا تم التحذير من مساوئهم تحت دعوى الإنصاف والعدل. Et attention, toi le Hizbi, toi le Qutbi, toi l'Ikhwani, Tablighi, l'Adnani, l'Sururi, l'Yassini aussi. Fais attention aux autres. Ne déguise pas les situations pour le commun des musulmans et pour les novices. Il n'attribue pas au prophète alayhi salatu wassalam ta voix fausse et non avenante. Et le fait que tu prends un chemin doux et que il faut être doux avec celui qui est en divergence, il faut être doux avec les innovateurs et avec ceux qui suivent leur passion et qui tombent dans les perturbations. Et que tu rendes obligatoire que quand on cite, on réplique à un innovateur, on cite ses innovations, qu'il faut parler de ses qualités. Hein? Qu'il faut être juste. Ceci, ce n'est pas une voie. Ce n'est pas la voie du puiseur, wallah alayhim. Il ne fait pas partie de la voie du puiseur, wallah alayhim, de citer quand on avertit contre quelqu'un. De citer ses qualités. Ceci, salaf radhiyallahu anhum l'ont fait quand ils font la biographie de quelqu'un. Ils disent, il est adorateur, il est ceci, il est cela, mais il est sur telle voie, etc. Ça, quand on fait la biographie de quelqu'un. Mais quand il s'agit d'un avertissement, la situation est différente. On est là, on est dans une position d'avertissement et non pas dans une position à faire la biographie de quelqu'un. Dans la biographie, les hommes de science citent les bienfaits et les qualités de cet homme à côté de ses défauts et à côté du mal qu'il porte. Mais quand il s'agit de la réplique, la situation est différente. Il ne parle que de ses erreurs. Parce que si tu cites le bienfait de quelqu'un quand tu fais ses répliques, c'est comme si tu appelles vers cette personne. Tu dis, bah, il est tombé dans telle erreur et telle erreur, mais il a ses qualités, etc. Lui-même va te dire, barakallahu fik. Parce qu'en réalité, tu appelles les gens à suivre cet homme. Wahlu l'ilm, yutliquna ala had l'asl, الرد احيانا الرد على اهل البدع والاهواء واحيانا الرد على المخالف واخرى نقد الرجال والطوائف او الجرح والتعديل. Les hommes de science appellent ce fondement principal la réplique aux gens de l'innovation et ceux qui suivent leur passion, et ils l'appellent aussi la réplique aux divergents, et ils l'appellent aussi la critique des hommes et des groupes. Et il l'appelle aussi al-jarh wa al-ta'dil, la critique et l'éloge. Wa jarh ruwat al-ahadith wa al-athar ma huwa illa far'un an hadha al-'ilm al-jalil. Wa lawla hadha al-'ilm la tahawwalat shari'at al-islam ila al-hal alladhi alat ilayhi shari'at at-tawrat wal-injil min at-tahrif wat-taghyir. Le fait de critiquer les transmetteurs du hadith et des preuves, ceci, c'est une branche de cette noble science. Et si ce n'est cette science, la législation de l'islam serait devenue comme les autres législations de la Torah et de l'Évangile. Il aurait été dépouillé de son sens et il y aurait eu du changement. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a d'abord protégé cette religion et il a fait exister des moyens parmi lesquels cette science, la science de la réfutation et de l'éloge, la science de la critique des hommes et des groupes, et la science de la réplique aux gens de l'innovation et de ceux qui suivent leur passion, comme moyen, il a fait exister ce moyen pour protéger cette religion. Et Allah subhanahu wa ta'ala la protège avant tout. وعليه أخ الإسلام فإن العلماء قد أجمعوا على وجوب التحذير من أهل البدع والرد على المخالفين للحق لبيان ضلال شبهاتهم وصار هذا الأمر عقيدة راسخة تفرد لها أبواب وصفحات في مصنفات العقيدة ودواوين السنة ومن يخالف هذا الإجماع فقد سلك مسلك أهل الأهواء. Partons de là, frères en Allah, Azzawajal et sœurs en Allah, Azzawajal. Ça, c'est que les hommes de science sont unanimes sur l'obligation d'avertir contre les gens de l'innovation et de répliquer à ceux qui sont divergents avec la vérité. Et ils sont unanimes sur le fait de montrer leur égarement et d'éclairer les gens. Sur leur passé, et d'éclairer les gens sur leurs ambiguïtés, leurs égarements. Et ceci est devenu une croyance ferme à laquelle les hommes de science réservent des pages, sinon des livres, sinon des passages dans leurs livres d'Yel Aqida et dans les livres d'Yel Sunna. Et celui qui est en divergence, avec ce consensus, il a suivi la voie des gens de l'innovation. قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين واشتد نكير السلف والأئمة للبدعة وصاحوا بأهلها من أقطار الأرض وحذروا فتنتهم أشد التحذير وبالغوا في ذلك بما لم يبالغوا في إنكار الفواحش والظلم والعدوان إذ مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاتها له أشد. انتهى كلامه رحمه الله. يكت ابن القيم رحمه الله تعالى qui dit dans Madaris Salikin dans le premier tome page 372 et le blâme des puzayels ridwanullah alayhim des imams, le blâme de l'innovation des puzayels des imams est énorme. Ils ont crié dans le visage de ceux dans tous les pays. Ils l'ont fait haut et fort dans tous les pays, dans tous lieux. Ils ont averti contre les perturbations et les erreurs des gens de l'innovation. Un grand avertissement. Ils sont allés très loin dans l'avertissement. Ils l'ont fait plus que dans le fait de blâmer la turpitude, l'injustice. Car le mal qui découle de l'innovation est énorme parce que ça détruit la religion et parce que des fois l'innovation elle est en contradiction avec la religion. Une énorme contradiction. Ça, ce sont les paroles de celui qui a étudié et qui était l'un des grands disciples d'Ibn al-Qayyim, d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. فهذا التقرير من ابن القيم رحمه الله عن تفريق السلف بين البدع وسائر الفواحش الأخرى بتخصيص البدع بالشدة في إنكارها والصياح بأهلها ليبين لنا يا من تبحث عن الحق ضلال هذه الشنشنة الحزبية التي صار يتناقلها الحزبيون في دروسهم وكتبهم وهي قولهم لمن يشتد على أهل البدع ويحذر منهم سلم منك اليهود والنصارى ولم يسلم منك إخوانك من المسلمين. هذه قالها سلمان العودة في درسه الاستهزاء بآيات الله. Donc frère الله عز وجل médite bien cette parole que je t'ai citée d'Ibn al-Qayyim رحمه الله تعالى dans laquelle il confirme رحمه الله تعالى comme quoi السلف رضوان الله عليهم faisait la différence entre les innovations et les autres turpitudes et les autres choses blâmables. Et que leur sévérité dans le fait, dans le blâme, était très forte vis-à-vis de l'innovation et vis-à-vis des gens de l'innovation. Cela pour te montrer, toi qui cherches la vérité et qui veux t'éclairer avec la parole des hommes de science, tout cela de la part d'Ibn al-Qayyim pour te montrer que les paroles que propagent actuellement les Hizbi et qu'ils disent dans leur courant, dans leurs cours et dans leurs assises et qui sont écrites dans leurs livres, il y a quand ils disent tu es dur avec les gens de l'innovation, ils disent à ceux qui sont durs avec les gens de l'innovation et qui avertissent contre les gens de l'innovation sont épargnés de ta part les juifs et les chrétiens et ne sont pas épargnés de ta part tes frères en islam. Ceci est une parole qui est dite par l'un des grands emblèmes qu'ils appellent maintenant le penseur islamique, Salman al-Aouda. Il l'a dite dans l'un de ses cours, dont le titre est « Se moquer des signes d'Allah Azza wa Jal ». وَيُبَيِّن لَكَ أَيْضًا ابن القيم يبين لك أيضا فساد هذا المنهج المحدث الذي أصله الحزبيون الموسوم بمنهج الموازنات ومقتضى أنه يجب على من يحذر من مبتدع أو صاحب هوى أن يذكر حسناته ومواقفه في نصرة الإسلام. وبه أيضا أي بكلام ابن القيم تنهدم تلك القاعدة الحزبية الجديدة نصحح ولا نجرح أو نصحح الأخطاء ولا نهدم الأشخاص والتي صاغها عدنان عرعور ثم تبعه عليها أبو الحسن المصري. Donc, et aussi ces paroles d'Ibn al-Qayyim rahmatullah alayk te montrent cette mauvaise voie et cette voie innovée et ce fondement qu'ont fondé les Hizbi qui est la voie d'El Mouazanat maintenant. La voie d'El Mouazanat qui veut dire qu'il faut être juste. Il faut citer les qualités et les défauts de quelqu'un. Quand tu avertis contre un innovateur, Et ou un homme de l'innovation qui suit ses passions, il faut que tu cites aussi ses positions et les positions qu'il avait, les bonnes positions qu'il avait vis-à-vis de l'islam et du fait de triompher l'islam, etc. Et ceci, non, avenons. Nous allons voir comment Cheikh l'islam, Ibn Baz, rahmatullah alayh, va anéantir cette parole. Et avec cette parole d'Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayh, se détruit cette règle. Du sectarisme, du nouveau sectarisme, du nouveau partisme, qui est une règle qui dit, nous devons corriger et non pas critiquer, et non pas réfuter, nous devons corriger et non pas réfuter. Et l'autre parole qui dit, nous devons corriger les erreurs et ne pas détruire les personnes. Cette parole a été dite il y a une dizaine, plus de 10 ans maintenant par Adnan Al-Our. Et il a été reprise dernièrement par Abul Hassan al-Misri. Bah, avec les paroles d'Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayh, on voit que ces paroles, que ce soit, hein, on authentifie, on corrige et on refute pas, ou là on corrige les erreurs, on ne détruit pas les personnes, bah, ce sont des paroles qui sont non avenantes. Quand on les met en face de cette parole de ce grand imam qui est Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayh, la même chose qu'il faut faire la part des choses, le muwazanat, ou s'y tombe, parce que l'innovation détruit la religion. وعلم أخ الإسلام أنه لا سبيل إلى العدل المرجو من منهج الموازنات المدعى ولا سبيل إلى التصحيح إلا بالتحذير من أهل البدع بشتى صورهم وهذا التحذير يتضمن تجريحهم وهدم الهالات التي يحيطون أنفسهم بها والتنفير منهم حتى لا يغتر بهم فتحمل عنهم البدع والمحدثات شاس فخيرون الله عز وجل. Cette justice qu'on veut par cette voie d'Al-Muwazanat qu'on prétend, on ne serait y arriver que par le fait d'authentifier et d'avertir contre les gens de l'innovation. Et le fait d'avertir contre les gens de l'innovation, cela implique qu'il faut les critiquer. Il faut détruire, hein, cette énorme image qu'ils se sont construits pour eux-mêmes, qu'ils se sont donnés eux-mêmes. Et cette énorme image et cette grande citadelle dans laquelle la mettent leurs disciples. Il faut éloigner les gens d'eux. Et il faut les critiquer de telle sorte que les gens ne se fassent pas avoir d'eux. Et qu'ils ne tombent pas dans leur filet, ils ne tombent pas dans leurs innovations. Ondor matalan. Kaif est ondor al-Qutbiyuna ila Sayyid Qutb. Kaif. Ondor kaif est yu'azzimuna Sayyid Qutb. Ondor kaif est yu'azzimu l'ikhwan al-Muflisoun. حسن البنا وانظر كيف يعظم الياسينيون في المغرب ياسين عبد السلام ياسين هذا وكيف يعظمون الآن كل الحزبيين لا تبليغيين ولا إخوانيين يعظمون عائد القرن بحكم أنه مدح هؤلاء وهؤلاء وقال فخيرنا الله عز وجل منتنو كمو لقطبي فينير et quelle image, quelle grande image il donne à Sayyid Qutb. Et comment le font d'eux-mêmes les Yassinites du Maroc? Comment ils font de leur, comment ils vénèrent leur Cheikh Yassine? Regarde comment les Ikhwan ils vénèrent, hein? Hassan al-Banna et Aïd al-Qarni et autres. Pourquoi ils vénèrent Aïd al-Qarni maintenant les Ikhwan et Tabligh? Parce qu'il fait leur éloge. Il n'y a pas longtemps dans un centre à Paris, il y a à peine peut-être 20 jours, vous pouvez écouter, hein, les éloges. Et les deux a fait Aïd al-Qarni à Jama'at Tabligh quand il a fait cours chez eux. Il leur disait même que Zemzem leur passe salam et que Mecca leur passe salam. Subhanallah. Et maintenant, les Tabligh ainsi que l'Ikhwan vénèrent Aïd al-Qarni. Et combien de nos frères et de nos sœurs tombe dans le filet. Quand il est arrivé à Bruxelles, combien de frères qui se disent salafi sont partis jusqu'à Bruxelles pour assister à sa Jumu'ah? Et combien, quand il était là la semaine dernière, sont allés dans la mosquée où il donnait cours, lui Saad al-Brek. Subhanallah. Parce que pourquoi? On a cette culture dans ce monde, et dans ce monde occidental, c'est qu'on a été éduqué à suivre les têtes d'affiche. Akhal Islam. C'est pas les têtes d'affiche que tu dois suivre. Si la vérité que tu dois suivre, ce n'est pas les têtes d'affiche. Ce n'est pas les hadas qui apparaissent sur les télés ou quoi que ce soit. S'ils font partie des hommes de science dignes et qui apparaissent sur la télé, comme Cheikh Abdelaziz Al-Sheikh ou le Haydan, d'accord. Mais quand il s'agit de Bunayat Tariq et qui sont ambigus dans leur manhaj, ils sont ambigus dans leurs paroles, ils font l'éloge à l'Ikhwan et à Tablir et à tous les groupes éclatés qui existent, tu dois t'en éloigner à l'islam. Et arrête. Mais pourquoi il est sur les télévisions saoudiennes, Aïd Al-Qarni? Pourquoi il est sur telle chaîne et telle chaîne? Arrête à l'islam. Depuis quand la télévision ou une chaîne a été une référence de la voix du puiseur, d'Allah Alim? Combien de fois les chaînes ont proposé à Cheikh Rabi' de venir donner cours à la télé? Il n'a pas accepté. Combien de fois ils l'ont proposé aussi à beaucoup de mashaïkhs de Médine? C'est pas parce que tu es une tête d'affiche que la vérité est avec toi, à l'islam. Préservez-vous, frère en Allah, Azza wa Jal. Sachez de qui vous prenez cette science et de qui vous prenez cette voie. Car il en va de votre réussite dans ce bas monde et votre réussite dans le-delà. وبهذا يكون كمال الإنصاف والتصحيح فليس من الإنصاف بمكان وليس من الصحة بمكان أن أرغب الناس في شخص يدعوهم إلى محدثة بأن أعدد محاسنه التي تطغى في القلوب على مساوئه أو أن أصحح عند الناس المخالفات التي ترتبت على هذه البدعة دون أن أجرح حاملها والداعي إليها فهذا ظلم بين لعامة المسلمين وللناشئة لأنهم سوف يتعلقون بهذا المبتدع ولا يحذرون بل هو ظلم أيضا لهذا المبتدع لأنه بهذا المنهج سوف يظل سادرا في غيه لا ينزجر ولا يدع بدعته إلا أن يشاء الله. Et donc, c'est en critiquant et en montrant les défauts et les erreurs et en avertissant qu'on va arriver, qu'on est dans la parfaite justice. Et qu'on va authentifier. Ça ne fait pas partie de la justice. Et ce n'est pas valide ni avenant que j'incite les gens et j'appelle les gens. J'incite les gens et j'embellis l'image de quelqu'un qui les invite à une innovation. Et que je cite ses qualités et ce qu'il a fait pour l'islam. Parce que les qualités et ce qu'il a fait pour l'islam, ça va prendre le dessus dans le cœur des gens sur les erreurs de cette personne. Et ça ne fait pas partie de la justice que je corrige chez les gens les erreurs qui découlent de cette innovation sans critiquer celui qui porte et qui propose cette innovation et qui appelle vers cette innovation. Ceci est une injustice. Dans ces cas-là, on devient injuste vis-à-vis du commun du musulman et vis-à-vis des débutants et des novices dans cette religion et sur cette voie. Parce qu'ils vont s'attacher à cet innovateur. Ils ne vont pas faire attention à cet innovateur. Et ceci est une injustice vis-à-vis même de cet innovateur. Parce qu'on va faire en sorte que son fardeau s'alourdit par les disciples qui vont le suivre. Et parce que aussi, il va continuer dans son innovation. Et il ne va pas arrêter, sauf si Allah subhanahu wa ta'ala le veut. وقد سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى هذا السؤال. يقول السائل فيه ناس يوجبون الموازنة. أنك إذا انتقدت مبتدعا ببدعته لتحذر الناس منه يجب أن تذكر حسناته حتى لا تظلمه. Voici maintenant cette question qui est posée à cette éminence. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala le comble de sa sainte miséricorde et qu'il lui donne le firdaus al-a'la. Ibn Baz, rahmatullah alayhi, on lui pose cette question. Il y a des gens qui disent qu'il est obligatoire que quand tu critiques quelqu'un, un innovateur, sur une innovation qui t'avertit les gens contre son innovation, qu'il faut citer les bienfaits de cette personne et les qualités de cette personne pour ne pas être injuste vis-à-vis de lui. Ajaba, rahimahullah ta'ala wa askana wa fasiha jannati. Là, لا، ما هو بلازم؟ ما هو بلازم؟ ولهذا يقول إذا قرأت كتبها للسنة وجدت المراد التحذير، اقرأ في كتاب البخاري خلق أفعال العباد، في كتاب الأدب في الصحيح، كتاب السنة لعبد الله بن أحمد، كتاب التوحيد لابن خزيمة، رد عثمان بن سعيد الدارمي على أهل البدع، إلى غير ذلك. يريدونه للتحذير من باطلهم. ما هو المقصود تحديد محاسنهم؟ المقصود التحذير من باطلهم ومحاسنهم، ومحاسنهم لا قيمة لها بالنسبة لمن كفر إذا كانت بدعته تكفره، بطلت حسناته، وإذا كانت لا تكفر فهو على خطر. فالمقصود هو بيان الأخطاء والأغلاط التي يجب الحذر منها. إيه الشيخ حفظه الله تعالى de nous dire de répondre non non non ce n'est pas obligatoire ce n'est pas obligatoire. Il dit c'est pour ça quand tu lis les livres des gens de la Sunna tu trouves que le but, c'est d'avertir. Il dit, lis dans le livre d'Al Bukhari, Khalq Ab'al Ibad, créer les actes des serviteurs. Et aussi dans le livre d'Al Adab, dans l'authentique. Et aussi dans, lis dans le livre d'Al Sunnah Abdullah ibn Ahmed, et dans le livre d'Al Tawhid ibn Khuzayma, et dans la réplique de Uthman ibn Sa'id Darimi, aux gens de l'innovation et autres. Il dit, il ramène, il réplique, ils ramènent tous ceci les erreurs, ils répliquent, ils avertissent contre les gens et contre eux, leurs innovations. Parce que ce qui est voulu, ce n'est pas citer leurs qualités, mais s'y avertir contre leurs faux. Et leurs qualités et leurs vertus sont non avenantes quand ils sont dans une innovation qui va les rendre mécréants. Dans ces cas-là, leurs hasanats vont tomber complètement. Et s'ils sont dans une innovation qui ne les rend pas mécréants, hein? Ben, ils sont dans un danger. Et il dit, rahimahullah ta'ala, et ce qui est voulu, c'est montrer les erreurs et avertir contre les erreurs. Voyez la voix de cet grand imam. فالرد على المخالف هذا ليس منهم جديد كما يروجه الرويبض والجهال. فالدارمي البخاري ابن خزيمة الإمام أحمد الإمام يحيى بن معين et autres. Donc, le fait de répliquer à celui qui était en divergence avec la voix du puiseur de Allah, ce n'est pas une voix nouvelle, comme le propagent les insensés et les ignorants. Ce n'est pas la voix de Cheikh Rabi' ni de Cheikh Najmi. Si la voix déjà ouverte par le prophète alayhi salam, il lit toi le livre d'Al Bukhari, hein, lis le livre d'Al Tawhid ibn Khuzayma, tu vas t'en rendre compte. Et la réplique de Uthman, hein, ibn Sa'id Darimi rahmatullah alayh, et d'autres livres d'Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh et autres. Donc, il ne faut pas écouter les insensés que ça c'est la voix du Cheikh Rabi'. A'oudou billah. C'est la voix du puiseur d'Allah alayhim. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam averti contre eux, le khawarij et leur innovation. Wa laqad sadaqa wa nasaha al-allamatu Rabi' rahimahu hafidahu Allah ta'ala wa shafahu wa hafahu hinama qala fi muqaddimati kitabihi al-mati' al-mahajjatu al-bayda fi himayati al-sunnati al-gharra min zallati ahli al-akhta'i wa zayghi ahli al-ahwa'. Il a dit vrai. Il a fait, il a été d'un bon conseil. Son éminence, Cheikh Rabi, hafidahullah ta'ala, qu'on déplaise à beaucoup, il porte l'étendard de la réfute et de l'éloge et de l'avertissement, hein, contre les gens de l'innovation. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve et le guérisse. Il a dit vrai, il a conseillé quand il a dit dans l'introduction de son livre, de son bon livre, la voix claire dans la défense de la sunna claire des erreurs et des déviances des gens qui suivent leur passion et des gens de l'erreur. Hada, il a un livre qui porte ce titre et qui est un très bon livre. Yaqulu fi wa minha ay min al-fitan أن كل صاحب فتنة وكل داع إلى ضلالة يرفع بقوة شعار العدل والعدالة والإنصاف. Écoutez cette parole et comparez-la avec les innovateurs et les paroles des innovateurs que vous entendez. il dit, Hafidhahullah Ta'ala, fait partie des perturbations. Que chaque perturbateur et chaque prêcheur qui appelle vers l'égarement, il élève haut et fort l'étendard de la devise de la justice et de l'équité. يقول حفظه الله فالثورة على الخليفة الراشد بل على الإسلام كانت باسم العدالة. Il dit la révolution contre le calife bien guidé Uthman ibn Affan رضي الله تعالى عنه, sinon la révolution était contre l'islam, comme il dit, a été au nom de la justice. Cette révolte et cette révolution a été au nom, a s'est faite au nom de la justice. Abdullah ibn Saba, pour attiser et pour créer cette révolution, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit aux gens, hein, faites semblant d'avertir contre le mal et de conseiller le bien. Vous allez tourner les gens vers vous. Et c'est comme ça qu'est arrivée cette révolution et cette révolte contre eux. L'un des grands imams de cette communauté, l'un des nobles compagnons de Mohammed alayhi salatu salam. Et Tawrad al-Mukhtar ibn Abi Ubaid al-Zindiq كانت باسم العدالة والإنصاف. La révolution de Mukhtar ibn Abi Ubaid al-Zindiq, le pervers, c'est-à-dire l'hypocrite, il était au nom de la justice aussi, de l'équité. وتورت به مسلم الخراساني كانت تحت شعار العدالة وإزالة الظلم. Et la révolution d'Abi Muslim al-Khurasani a été aussi sous la devise de la justice et le fait de se débarrasser de l'injustice. Aussi, les harakat al-masuniya kanat tahmilu shi'ar al-adala wal-musawat wal-hurriya. Et aussi, tous les mouvements de la franc-maçonnerie portent la devise de la justice, de l'équité, de la fraternité, de la liberté. Tous les mouvements de la franc-maçonnerie sont ainsi. Mais en réalité, ce n'est que du pipeau. Regarde ce qui se passe. والثورات الشيوعية كانت تحمل هذه الشعارات. Et aussi les révolutions communistes ont porté en elles-mêmes ces devises aussi. ويقول الشيخ حفظه الله تعالى. Et regarde tous les mouvements éclatés qu'il y a autour de toi, c'est-à-dire la justice, la douceur, hein, combattre l'injustice sociale et ceci. Tout ceci, tu le vois encore dans tous ces mouvements. وكلها خدع وشعارات كاذبة يفضح الله أصحابها ويكشف أستارهم ويخزيهم في الدنيا قبل الآخرة. Et tout ceci, c'est une trahison. Et ce sont tout simplement des devises mensongères. Et Allah subhanahu wa ta'ala divulgue et montre les gens de ces devises mensongères sur leur réalité. Et Allah subhanahu wa ta'ala les avilit de ce bas monde et avant le delà. ويقول حفظه الله تعالى ومن هذه الخدع الدعوة الخبيثة إلى تحرير المرأة ومساواتها بالرجل في كل شيء لأنها ومن هذه الخدع الدعوة الخبيثة إلى تحرير المرأة ومساواتها بالرجل في كل شيء لأنها في نظر الدعاة إلى تحريرها وتحليلها وتفسخها مظلومة مهضومة من نواحي عديدة فلا بد في نظرهم من إنصافها باسم الإسلام وباسم العدالة والمساواة فشرعوا يحرفون نصوص القرآن والسنة ليتم تحريرها في بلاد الإسلام باسم الإسلام. Donc il fait partie aussi de cette trahison, cette da'wa impure qui appelle à la libération de la femme et à faire de la femme qu'il est l'équivalent de l'homme dans tous les domaines. Parce que, aux yeux de certains prêcheurs, qui veulent la libérer et qui veulent lui donner une certaine liberté, trouvent qu'il est, qu'il y a des injustices vis-à-vis d'elle dans différents de domaines et elle est, ses droits sont spoliés il y a une certaine injustice vis-à-vis de la femme. Donc ils disent, à leurs yeux, il est obligatoire d'être équitable avec elle au nom de l'islam, et au nom de la justice, et au nom de l'égalité, et ils ont commencé à changer le sens de certains textes du Coran et certains textes de la parole d'Allah Azza wa Jal pour arriver à libérer la femme dans les pays de l'islam et au nom de l'islam. ومن هذه الخدع كذلك يقول الشيخ حفظه الله تعالى الدعوة إلى إنصاف أهل البدع والضلال بل إلى إنصاف الكفار بل إلى إنصاف الكفار والشياطين تحت ستار وشعار العدالة والإنصاف بالموازنة بين الحسنات والسيئات إيه ندي الشيخ ربيع حفظه الله تعالى في aussi fait partie de la trahison aussi, c'est Dawa qui appelle à être équitable vis-à-vis des ondes de l'innovation et de l'égarement, même vis-à-vis des mécréants et des shayatin, sous l'étendard et selon l'emblème et la devise d'être juste et d'être équitable, en faisant la part des choses entre les qualités et les défauts des personnes, des innovateurs et des autres. Wadahabu كل مذهب وذهبوا كما ذهب كل مبطل ومخادع من أمثال دعاة للشراك ودعاة تحرير المرأة وإنصافها إلى تحريف بعض النصوص القرآنية والأحاديث النبوية وإلى التعلق بكلام ابن تيمية المجاهد المناضل عن السنة وأهلها ومن أعظم المكافحين للبدع وأهلها إن لم يكن أعظمهم ويسدلون الستار على جهادهم العظيم الذي امتلأت به حياته وكتبه الزاخرة بنصرة السنة وإهانة البدع وأهلها ولا نسبة بكل الاعتبارات بين من قيلت فيه وبين من يدافعون عنه انتهى كلام الشيخ ربيع حفظه الله تعالى Et donc il dit حفظه الله تعالى Et pour ce faire ils sont allés dont ils ont pris la voie de tout faussaire et de tout traître parmi en prenant l'exemple et en agissant comme ceux qui appellent vers le socialisme et ceux qui appellent vers la libération de la femme et le fait d'être juste avec la femme. Ils ont agi comme eux, en dépouillant les textes de leur sens et en changeant le sens des textes de la parole du prophète alayhi salam et de la parole d'Allah azza wa jal, et en s'attachant à des paroles de Ibn Taymiyyah, le combattant qui a combattu pour que la sunna soit la plus haute et que la sunna ait pignon sur rue et qu'il a combattu les innovateurs et les gens de l'innovation. Il a été, comme dit Cheikh, l'un des plus grands défenseurs de la sunna. Il a été même, on peut dire, l'exterminateur de l'innovation et des innovateurs. Et eux, ils jettent le voile sur les efforts de Cheikh l'Islam qu'il a fait pour faire triompher la sunna et pour avilir l'innovation et les gens de l'innovation, alors, et tout est relatif, parce que pour ceux pour lesquels il cherche l'équité, il n'arrive pas à la cheville de ceux qu'a critiqué Ibn Taymiyyah, rahmatullahi alayhi. Et ça, et là, s'arrêtent les paroles d'Yal, Cheikh Rabi Hafidhahullah Ta'ala. كذلك هذا الإمام أحمد رحمه الله يؤلف كتابا في الرد على الجهمية والزنادقة ولا نعلمه ألف كتابا في الرد على اليهود والنصارى رغم أن الفتوحات كانت دائرة في وقته وزاد اختلاط المسلمين بالنصارى فهل كان إمام السنة في وقته رحمه الله ينشغل بما لا ينفع المسلمين ويترك ما ينفعهم أي يشتغل بالرد على الجهمية ويترك الرد على النصارى وكأنه لا يفقه الواقع كما يفقه الحزبيون في هذا الزمان. Écoute maintenant, frère, en Allah Azza wa Jal, pour que tu comprennes que la voix de tes puiseuls et que la réplique et la réfutation et la mise en garde fait partie de la voix de tes puiseuls. Écoute, voici l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala. Il écrit un livre dont le titre c'est Répliquer aux Jahmites et aux hypocrites Az-Zanadiqa. Et on ne lui connaît pas qu'il ait écrit un livre dont le fait de répliquer aux juifs et aux chrétiens, alors que les conquêtes des pays étaient battaient son plein à son époque. C'est-à-dire que les pays, beaucoup de pays chrétiens, se faisaient conquérir à son époque, et que les musulmans se sont mélangés avec les chrétiens. Est-ce que l'imam des gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna à son époque, hein, rahmatullah alayh, s'occupaient de quelque chose qui n'était pas bénéfique aux musulmans et a laissé quelque chose qui était bénéfique aux musulmans? Il s'est occupé à répliquer aux jahmites, il a laissé le fait de répliquer aux chrétiens, comme s'ils ne connaissaient pas l'actualité, comme la connaissent les hizbites de notre époque et les sectaires de partis de notre époque. Sache, frère en Allah, Azzawajal, que le fait de répliquer, ce n'est pas une voie nouvelle, que c'est une ambiguïté, que ça c'est la voie de Cheikh Rabi'u ou de Cheikh Najmi. A'oudou billah, regardez l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala. بل هذه عشرات الأقوال المنقولة عن الإمام أحمد في السؤالات وفي طبقات الحنابلة تزخر بتحذيره من أهل البدع بأعيانهم وذكر مساوئهم دون محاسنهم فهل قال قائل إن اليهود والنصارى سلم من الإمام أحمد ولم يسلم منه أهل البدع من أهل القبلة voici maintenant des dizaines de paroles qui ont été transmises de l'imam Ahmed رحمه الله dans les questions qui lui ont été posées, que ce soit dans les livres qui se sont équipés des générations d'Al-Hanabila, ou dans d'autres livres dans lesquels on trouve son avertissement contre les gens de l'innovation, en les désignant par leur personne directement, et en citant leurs faux et leurs erreurs, sans parler de leurs qualités. Est-ce que quelqu'un qui dit de raison et dit que les juifs et les chrétiens ont été épargnés de l'imam Ahmed et que les gens de l'innovation n'ont pas été et les gens de la Qibla n'ont pas été épargnés de l'imam Ahmed. Sache bien, frère en Allah, Azzawajal, ce qui se trame autour de toi. Et c'est l'imam Uthman ibn Sa'id al-Darimi, rahimahullah, qui a écrit un livre dans le rad à l'Al-Jahmiya, et nous savons qu'il a écrit un livre dans le rad à l'Yahoudi ou le rad à l'Nasara. Voici maintenant l'imam Uthman ibn Sa'id al-Darimi, rahimahullah, qui est un muhaddith aussi, a écrit deux livres dans la réplique où il répliquait à Al-Jahmiya. On ne lui connaît pas qu'il a écrit deux livres dans la réplique aux juifs et aux chrétiens. بل هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يؤلف كتابا واحدا في الرد على النصارى وهو الجواب الصحيح ثم يفرد غالب مؤلفاته المتبقية في الرد على أهل البدع والأهواء بشتى نحلهم فألف بيان تلبيس الجهمية والرد على الأخنائي والرد على البكري والحموية والتدمرية ومنهاج السنة في الرد على الرافضة والرد على المنطقيين سي maintenant شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كل دي فوالي حزبي الفون غيفيرانس il a écrit un seul livre dont la réplique aux chrétiens, qui est la réponse avenante et la réponse vraie. Et tous ces livres, tous les autres livres, ils se comptent par centaines, sont dans la réplique aux gens de l'innovation et ceux qui les suivent, qui suivent leur passion, hein, dans leurs différentes voies. Il a écrit pour montrer, pour nous éclairer, un livre qui s'appelle l'éclaircissement sur le déguisement d'Al-Jamia. Il a écrit un livre qui s'appelle « La réfutation al-Khnaqi ». Il a écrit un livre dont la réplique « Al-Bakri ». Il a écrit « Al-Hamawiya ». Il a écrit « Tadmouria ». Il a écrit « Minhaj Sunna » qui est une énorme réplique « Al-Rafida Akhzahumullah ». Il a écrit un livre dont la réplique aux gens de la logique. « Wahada tilmiduhu ibn al-Qayyim »« Tilmiduhu al-Bar ibn al-Qayyim » الجوزية رحمه الله أرسل صواعقه على أهل البدع في كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة وحشد الجيوش الإسلامية لحرب وغزو أهل البدع في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية لغزو المعطلة والجهمية والكتاب الوحيد الذي ألفه ابن القيم في الرد على اليهود والنصارى سماه هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى. Et voici son élève dévoué, Ibn al-Qayyim al-Juziyya, rahmatullah alayh, qui envoie tous ses éclairs contre les gens de l'innovation dans son livre appelé « Les éclairs orientés vers les jahmites al-mu'attila ». Il a réuni toutes les armées musulmanes pour combattre les gens de l'innovation dans son livre « La réunion des armées musulmanes pour combattre le mu'attila et le jahmiya ». Il a écrit un son livre dans lequel il réplique aux juifs et aux chrétiens qui appelaient la guidée de ceux qui ont des doutes avec des réponses sur les Yahoud et sur le Nasara. Et à la nafsi sunan, jalat mu'allafat ulama'u salaf في الاهتمام بالرد على أهل البدع والتحذير منهم أكثر من الاهتمام بالرد على أصحاب الملل الكافرة، وذلك لأن عامة المسلمين يأنفون بالفطرة من الانقياد للدعوات الكافرة أو الإلحادية الظاهرة، لكنهم يقعون بسهولة في شباك أهل البدع من مؤولة وطرقية وحزبية، لأن أهل البدع يتكلمون بلسان الإسلام وينسبون أهواءهم إلى الإسلام والسنة، بينما أهل الكفر يطعنون صراحة في الإسلام والسنة فتنقبض قلوب العامة منهم ولا ينقادون لشبهاتهم بسهولة، لكن أهل البدع يتكلمون بألسنتنا ويطعنون في السنة وأهلها من خلف ظهورنا فيصعب على العامة كشف أمرهم. يانسي ايتي لا فوا دي جون دو لا سنة dans leur livre les hommes ديال السلف les savants ديال السلف se sont occupés à répliquer aux gens de l'innovation et à avertir contre les gens de l'innovation plus qu'ils se sont occupés de répliquer aux gens de la mécréance. Pourquoi? Parce que le commun des musulmans par sa nature il ne peut pas se soumettre à une voix de mécréance, à une voix d'athée, il ne peut pas répondre à cet appel, à cette dawa. Mais ils vont tomber facilement, les novices et les débutants, ainsi que le commun des musulmans, ils vont tomber facilement dans les filets des gens de l'innovation et dans les filets des gens des sectes et des partis, parce que les gens des sectes et des partis et de l'innovation parlent au nom de l'islam. Et ils attribuent leur innovation à l'islam. Ils attribuent leur innovation à l'islam et à la sunna. Ils attribuent leur innovation à la sunna et à l'islam. Et ils attribuent leur passion à la voix du prophète alayhi salatu wassalam. Quant aux gens de la mécréance, ils critiquent clairement l'islam et la sunna. Et donc les cœurs des gens du commun du musulman ne vont pas se soumettre à leurs ambiguïtés facilement. Mais les gens de l'innovation parlent notre langue, ils parlent au nom de l'islam, ils critiquent la sunna et les gens de la sunna derrière notre dos. Et donc, et derrière le dos des communs des musulmans, et derrière le dos des novices, et dans ces cas-là, il est difficile que l'awam puisse dissiper et puisse débarrasser de leurs ambiguïtés et connaître leur situation. C'est pour ça que les hommes de science mettent tous leurs efforts à répliquer aux gens de l'innovation pour protéger le commun des musulmans et pour protéger les débutants. ومن كبار أهل البدع في هذا الزمان ممن تسببت كتابته في انحراف كثير من الشباب عن منهج السلف هو سيد قطب، والذي صار هو العقبة الكؤود التي تنحرف عندها ركائب الكثير من الدعاة، وصار هو الورقة الكاشفة التي تبين حقيقة منهج كثير من الخطباء والدعاة المتسترين باسم السلفية، حتى يغلب عليهم الهوى العاطفي تجاه الرجل، بل يظهر ميلهم إلى منهجه التكفير الغالي، ويتجاوزون عن ضلالاته الأخرى الواضحة لكل منصف، سالكين سبيلا معوجا من التساهل المفرط والإرجاء المشين. Il fait partie des grands innovateurs à notre époque qui a causé, dont les livres ont causé beaucoup de déviance dans la communauté musulmane et chez les jeunes, et dont les livres ont fait dévier beaucoup de jeunes de la voie de leurs puzzles, wallah alim, Sayyid Qutb, qui est devenu un obstacle devant lequel tous les du'ats s'arrêtent. Et les du'ats, ils sont devenus une carte qui te dévoile les personnes et la réalité des personnes et la réalité de la voix de beaucoup de prêcheurs et beaucoup de khatib qui se déguisent au nom de la salafia, mais en réalité ils aiment cet homme, ils aiment la voix de cet homme et la atifa les pousse vers cet homme et on voit leur penchant vers la voix d'El Tkfirin et vers la voix Tkfirit et ils ferment les yeux sur les égarements de cet homme, qui sont clairs à tout un chacun qui est juste et qui est doué de raison. Et ils prennent des voies qui sont la voie de la facilité, du laxisme, et la voie qui sont proches d'Yel Irja. Fansallah subhanahu wa ta'ala na wa lakum tabat ala manhaj al-salaf. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège tous. de dévier de la voie de nos plusieurs d'Allah alayhim. Et qu'on doit faire très attention, ikhwat al-islam. Fa subhanak Allahumma wa bihamdika, shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa salli Allahumma wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsan Allahu ilaykum wa jazakum Allahu khairan.